se chaka mo di mwen. Leka di mwen sa me zami pi konka gati mwen. Leka di mwen sa me zami sou sika mo di mwen. Leka di mwen sa me zami se chaka mo di mwen. Konta, konta me zami konta. Mwen konta. Si vous connaissez moi à ce côté, mes amis, compte moi, je compte en tout battement. Si vous connaissez moi à ce côté, si vous brillez tout le temps, moi, mes amis, compte moi, compte moi, ouais, compte moi, compte moi. Patrick Saint-Élie, s'il vous plaît. Oui. Vous répondez oui, très fort pour lui. C'est parti. Sorti, le plus je tiens, moi c'est vous qu'à sortir. Oh malade, tombé malade.